Jacques Rougeau. Pourquoi Jacques Rougeau n'a pas écrit sur mon Facebook quand j'ai... Non, mais la seule chose qu'il a écrit sur son Facebook hier, c'est qu'il s'excusait beaucoup, là. Il s'excusait beaucoup? Il aurait pu te montrer une prise de lutte. Ouais. La prise du petit paquet. Si son gars amène son chum à la maison, il est pas sûr qu'il ferait pas la prise du petit paquet. Mais on se rend compte que ce monsieur-là est complètement transparent là-dessus, là. Ouais, il est très sincère. Là. Il compte pas de menterie, là. Mais tu sais-tu quoi? C'est bien correct. Ben c'est, oui, c'est correct, c'est ce qu'il pense. Bien, il l'invente pas ce qu'il dit là. OK, là, on a le droit, les gens ont le droit à on donne les droits à tout le monde, là. Tout le monde a des droits, puis on c'est important les droits, puis il faut respecter les autres, puis il faut ci, puis il faut ça, la grande ouverture. Ben, c'est mon débat d'il y a un mois et demi, c'est ça. Oui, on va respecter tout le monde, mais respecter également ce que Jacques Rougeau dit. Ça veut pas dire que c'est correct ce qu'il dit, là. Non. Mais c'est ce que lui, il pense. Ben, il pense, puis il l'a dit. Quand il était jeune, pour lui, il était élevé là-dedans. Puis nous autres aussi, on a 40... Tu sais, j'ai 45 ans, là. Jacques Rougeau, 52. J'ai 45 ans, moi. J'ai. C'est quoi, c'était le même, là. Je veux dire, moi, je sais... Bon... Jacques Rougeau, c'est un gars de Rawdon, là. Quand j'étais jeune... Il est pas de Chicoutimi Minard, là. Il est de Rawdon, à côté de Montréal. Ouais, mais... Mais ça, tu parles souvent de... Ouais, mais Rawdon, là, il y a 30 ans, il y a 35 ans, c'est à Chicoutimi Nord, là. C'est un champ. Oui. C'est pas parce que t'es proche de la Grand-Ville que t'es en Grand-Ville. Il n'y a pas plus campagne de la Grand-Ville, by the way, là. Mais, tu sais, moi, dans la famille proche, ça s'est adonné qu'il y en avait un. Puis tous ses frères le battaient pour essayer de sortir la maladie. C'est pas arrivé il y a trois générations, là. Ben oui, mais c'est pas arrivé il y a trois générations, c'est mes oncles. Il y a 10 000 personnes à Rawdon. Tu sais. En passant, ça a bien beau être proche de n'importe quoi, là. Ben, c'est vraiment plus campagnard que Chicoutimi Nord, là. Tu sais, Chicoutimi Nord, la polyvalente est grosse de même. Mais c'est le monde dans lequel nos enfants n'auront pas la même relation avec ça. Pour eux autres, c'est pas mal plus normal, mais nous autres, et plus t'es vieux, plus c'est ça. Pour des gens de 60 ans, en général, c'est ça, là. C'était assez mongol de penser que c'était une maladie, d'ailleurs. Oui, c'était mongol. Mais à l'inverse. On peut pas le dire. À l'inverse, imagine-toi, puis ils le reconnaissent que ça n'a pas de sens. Mais à l'inverse, d'accepter ça comme tout est beau, puis c'est pareil, comme une famille qui a des enfants, puis un gars, puis une fille. Pour eux autres, on n'est pas encore rendu là. Un grand step, là. Puis moi, je suis pas encore rendu là. Moi, je le dis ouvertement, là. Moi, je n'empêche pas ces gens-là d'avoir une vie alternative, mais pour moi, c'est une vie alternative. C'est pas... Pour moi, un couple, une vie plus normale, c'est une vie, un homme, une femme, des enfants. Pour moi, ça, c'est plus normal que de voir deux gars ensemble avec deux enfants adoptés. Je voyais plutôt cette semaine. Et les gens qui me disent, là, qui ne sont pas dans la communauté gay, qui me disent, ben voyons, Jeff, c'est pas ci, c'est pas ça, vous êtes des menteurs. Pas d'ouverture. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Il n'y a personne qui, dans le fond d'eux, trouve que c'est pareil. Je vous dis, je n'utilise plus le mot anormal. C'est pas ça que je dis. Je prends pas les termes de monsieur. Je dis juste que c'est pas pareil. Tu sais, je voyais cette semaine, j'ai écouté une émission, parce qu'on m'avait dit, ah, écoute cet épisode-là et d'autres. Ça s'appelle Wife Swap. Je pense que ça joue à Canal V ou chose de même. C'était un ancien sénateur républicain, je crois. Sa femme s'en allait dans une famille où le gars d'ailleurs est lutteur professionnel, mais sa femme, il y a une femme, puis à un moment donné, ils ont eu une autre blonde. Le couple a eu une autre blonde. Et ils vivent à trois avec des enfants dans la maison. Ils ont un style de vie alternatif. Ils ont le droit de faire ça, c'est bien beau. Mais c'est hors de l'ordinaire, là. Ben oui. Si, mettons, mon voisin... Tu trouves ça un peu bizarre, là. Si mon voisin a des enfants avec deux femmes... Ça se peut. Ben mais oui, pas ça que, se peut. Mais pas que les deux femmes restent ensemble. Ouais. Hein? Tu sais, un gars peut avoir des enfants avec deux femmes. Mais si les deux femmes restent dans la même maison... Les trois couchent dans le même lit, là. Ah, oh, ben là, peut-être, ben moi, je mettons, peux vous dire, une au deuxième, puis une au troisième. Je connais des gens qui ont vécu, un homme qui a vécu que deux femmes. En même temps, là. Oui. Ben ça, c'est hors standard, disons. Coucher dans un lit, dans un lit king. C'est-tu plus naturel, ça, que l'homosexualité? C'est hors standard, quand même. C'est hors standard, pareil. Ben moi, je trouve ça selon hors standard. Selon nos valeurs chrétiennes. Puis on aura beau accepter l'homosexualité et tout, ça restera toujours hors standard quand même, là. Ben, c'est ça, mon point. Excusez-moi, c'est pas méchant, là. Non, c'est juste... C'est statistique, en quelque part. Ben oui. Donc, M. Rougeau, moi, écoute, à un moment donné, j'aurais donné une flotte, là. J'aurais donné de l'aide un peu. Mais pourquoi? Ben non, mais c'est parce que, à un moment donné, il pédalait. Il pédalait un peu, tu sais, il y avait de la misère à... Il se rendait compte que l'autre, probablement à côté, était mal, puis il essayait d'expliquer plus, puis là, mais ça plus devait... il essayait d'expliquer, moins ça marchait. Moins ça marchait, c'est son histoire de... C'est peut-être parce que c'est trop clair, là. Non, mais c'est son bout de... Il aime pas ça. Son bout de victime. Si jamais un homosexuel ou un pédophile homosexuel attaque un garçon, peut-être que le garçon va aimer ça. Ça, c'est un peu... Ouais, c'est le bout de départ. Il y a c'est ça, là. C'est le moyen, ça. Hein? Ouais. Ça, c'est... Là, t'as besoin d'aide dans ce temps-là. Oui. Ouais. Faut que le gars qui est là, voyons, genre, OK, on pèser sur le... Ouais, sur le délai. On pèser sur le délai, on va couper 40 secondes. On va recommencer ça, là. Ouais. Là, il tombait dans le psycho, là. Ouais. Ça, c'est plus... C'est plus dense, un peu. Tu sais. Mais... Il y a des artistes. Mais il y a un grand bout. Ah oui. Ça, c'est vrai, là. S'ils n'ont pas de l'affection envers toi, tu ne passes pas à l'émission. Ben, s'ils sentent que tu n'es pas pro-gay, tu ne passes pas. S'ils sentent que tu n'es pas à l'aise avec... Puis la TV, c'est ça, là. Pat Patterson, un Québécois ancien lutteur, tu l'as dit? Oui, Pat Patterson. Non, je n'ai pas parlé encore, mais Pat Patterson. Pretty boy. Premier champion de la Continentale de la WWE. C'était son surnom. Ben, il l'a pas dit à l'époque, mais aujourd'hui, il est ouvertement gay, là. Puis il est encore dans l'entourage de la WWE, là. C'est un bras droit de Vince McMahon. Ah oui? Oui. Pat Patterson, le rêve. Pat Patterson, le rêve. C'est Montréalais, ça. C'est le mec qui parlait. C'est Montréalais qui parle français? Moi, je m'en vais m'en aller dans l'aréna à soir avec Pat Patterson, le rêve du Québec. Ben, tu vois-tu ça, là? Ça, moi, si j'étais un amateur de lutte, j'aimerais moins ça. Moi, quand j'ai su pour Judas Priest, j'ai moins aimé ça. Ouais, Queen, ça me dérangeait pas parce que il avait fait Radio Gaga. Il avait déjà une piste. Tu sais, il avait fait Crazy Little Thing Called Love. Il avait fait un album un peu douteux. Mais c'est très excentrique, Queen. Oui. Tu sais, ça m'a pas surpris. Même son personnage. Puis Queen, ça fit. Mais Pat Patterson, il lutte plus, là. Il a 60 quelques années aujourd'hui. Ah, mais c'est pas grave. Pas grave, il y a comme un... Tu sais, Judas Priest, ça marche pas, là. Queen, c'est correct. Queen, c'est comme tu dis, c'était excentrique, extravagant, tout, là. Tout fitait, là. Il est gay, oui. C'est pas une grosse surprise, hein. David Bowie, il est bi. C'est pas une grosse surprise non plus, là. Mais le chanteur de Judas Priest, on était de même. Ah ouais? Hein? Puis de poing dans les airs, là. Ouais. C'est lui qui a influencé toute la mode du métal. Il y a plus de poing dans les airs. Mais là, finalement, la petite calotte de cuir puis le cut de cuir, c'était plus pour ça, là. C'était plus pour... Yeah! Non. C'était une autre affaire. Yeah. Ouais. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Rock and roll. Tu sais, il y a des... Allez, go. C'est plein de stéréotypes, hein. Mais on vit avec, puis de faire semblant qu'ils sont pas là, c'est d'être un peu hypocrite. Ben oui, c'est ça l'histoire. Tu sais, que, mettons, on apprend... Hey, regarde, ben, un enfant... René Simard, un peu, René Simard nous apprend que finalement, il est homosexuel. Puis, il a découvert ça, puis il a parlé à sa blonde, puis qu'il l'aime, c'est son ami. Puis il a découvert, après toutes ces années-là, il nous dit, il est homosexuel. On ferait, c'est un artiste, c'est René Simard, l'histoire est juste un peu plus quelque chose à cause qu'il y a une femme. Ouais, mais sinon. Mais sincèrement. On n'est pas surpris. Mais je dis pas qu'il. Je prends cet exemple-là parce que c'est un artiste, un beau bonhomme, c'est un gars. On apprendrait ça. Okay. Il est un peu maniéré aussi, là. Moi, mais c'est pas pour ça que j'en parle. Non. J'ai pris lui comme un. C'est un maudit bon gars, lui, by the way. Ben oui, un gars fin. Ben oui. Un beau gars. J'ai pris lui comme exemple, je vais pas en prendre 50, là. Qui ont des femmes, des enfants. Mm-hmm. Mais on dirait, ouais. Sidney Crosby a une femme, deux kids. Mm-hmm. Meilleur joueur de hockey au monde. Fait une conférence de presse, annonce qu'il laisse sa femme, ses deux enfants. Il nous annonce qu'il est gay, il couche avec... Mario Lemieux. Ouais. Ouais, là, c'était un double choc. Ouais, tu t'es fait deux époques, là. Tu sais, il est... I'm a hockey player and I'm gay. Je viens de scraper à la Ligue nationale, au complet. Là, on est... Ah, c'est quelque chose avec... Là, on est sous le choc. Ovechkin annonce ça. Ouais, là, on est sous le choc. On est sous le choc. Hein, on veut pas... Chara. Hein? Ben, c'est ça. Ça fait-tu plus un choc, si, mettons... Non! Ça fait-tu plus c'est un le choc... De poker, tu sais, si c'est Sidney Crosby, mettons un... Mais Sidney c'est Crosby. Un exemple comme ça, mais un Brandon Prost. C'est un dur à cuire, là. Ouais. Ben non, ça, on t'en dit denial. On n'écoute plus de hockey pendant 2 ans. C'est vrai. Puis, vas-tu on l'accepter de quelqu'un dans un autre mode de vie? Mais dans certaines places, on se dit, non, ça peut pas. Ça fait moins. Mais c'est un stéréotype de gars viril, un joueur de hockey, là. Oh oui. Oui. Puis il y a un artiste, mais ça fait moins viril un peu parce que c'est plus olé olé. On vient de parler de Queen. Donc, dans mon évolution, je suis pas rendu là encore. Je suis pas rendu là. Les sportifs, ça me dérange, ça me dérange pas. Le gars de la NBA. Ça me fait un état de choc. J'ai un état de choc. Prends le gars de la NBA. L'ouverture de Saturday Night Live samedi dernier, il faisait un bout comme si c'était Fox and Friends le matin. Là. Il disait, ouais, c'est surprenant quand même un gars de la NBA. Hein. Tu sais, il me semble, ça avait été la NHL, ça aurait été plus plausible. C'est quand même, tu sais, c'est le sport professionnel qui se rapproche le plus du patinage artistique. Ils sont en collant. C'est ça qu'il dit. Sur patin. Tu sais, ça s'arrête là, c'est là, clair. Mais. Saturday Night Live québécois, d'ailleurs, là, c'est 2 shots l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est okay, ça. C'est 2 shows. C'est un test. C'est pas chaque semaine. Non, c'est un test. Puis si ça marche, ça va être 1 fois par mois. OK. Donc déjà là, ça fait plus. Ça a plus de sens plus déjà de comme ça. Ouais. Ah, mais, regarde bien. Tantôt, ton exemple, c'est un joueur donc de hockey. Oui. Ça marche moins. Un artiste. Anderson Cooper, quand on l'a su de CNN. Pas de surprise. Mm-hmm. OK, ça change rien. Je le regarde à la TV. Okay. Je trouve que c'est un des... OK. It's OK. Tom Brady t'annonce demain matin qu'il est gay. Ben, là, ça te dérange pas non plus. Non, mais un joueur de football. Rapprochez juste un petit peu de... Un centimètre. Tom Brady, le gars qui a gagné 50 000 piastres en fin de semaine en engageant sur un cheval. C'était le Preakness. Le Preakness. En fait. Il a gagé sur un cheval, il a gagné 50 000. Il a mis ses cheveux. OK, là. Il y a Rachel. Comment ça s'appelle? Gisèle. Pas Rachel. Gisèle. Il est beau, c'est-tu? Il est bon. Il est riche. Puis il gagne 50 000 en gageant sur un cheval. Ouais. Tu veux quoi? Il a perdu combien avant de. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il a peut-être 20 ans qu'il gage des crises de chevaux. C'est ça. Hey, là, il vient de gagner 50 000. Bon, d'après moi, là, dans la colonne des défaites, des victoires, d'après moi, Tom Brady est pas mal dans état. La vie est pas mal. Ça va avec son trajet de vie. La vie est déjà bonne pour lui, là. Ouais. La vie est bonne pour lui, là. Là, c'est quoi, il a annoncé qu'il est gay? Non, mais mettons que, ben, écoute, avec le match que j'ai vu en playoff, quand il s'est tiré à terre, il m'annoncerait qu'il est gay, puis je dirais, I'm not surprised. Exactement. Des enfants qui sont élevés par 2 hommes. Un enfant qui est adopté par 2 hommes. Est-ce qu'il y a les mêmes stéréotypes? Ou les mêmes perceptions qu'un enfant élevé par un couple hétéro? Moi, je pense qu'il ne sera jamais gay. C'est comme moi qui ai été élevé. Mon père, quand j'étais jeune, il fumait. Puis je savais que j'allais jamais fumer. Imaginez-moi. Mais j'imagine que le kid n'a pas... C'est son quotidien, là. Oui, mais c'est quoi son quotidien? Oui, mais après, il voit bien que quand il arrive à l'école, que les autres, le père, c'est un. Ah, ouais. Ben, il se rend compte que ses parents ont une vie alternative, là. Donc, on n'est pas si pire quand même. On n'a pas été élevé par des arriérés, là. Pour? Ben, même ces enfants-là qui sont élevés dans une nouvelle ère d'ouverture totale ou de grande compréhension. Non, mais ça, c'est quand même pas le voir nier. Que le couple de parents gays, c'est l'exception. C'est tes parents. Ben, c'est parce que dans toutes les écoles du Québec, le petit gars en question, Faudrait un méchant tadon pour qu'il y ait un autre petit gars ou une autre petite fille dans la même situation que lui, dans la même école. Là. Oui. Mais ils peuvent être deux. Mais ils peuvent même être quatre. Il n'y a pas de problème. Mais ils sont quand même l'exception. Oh, oui. Ils sont l'exception. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est quand même pas été si pire, puis nos perceptions sont pas si loin de la réalité. Mmh. C'est ça. Oui. On a beau être ouvert. L'évidence sera toujours l'évidence. Tu mets le fusil dans l'étui, tu mets pas l'étui dans le fusil.